tête, je suis passé trop vite pour te voir. Et je t'ai négligé dès notre premier soir. Bâtie comme une armoire, t'étais pas beau à voir. Un regard étonné dans une bouille un peu grise. Pourtant, oui, je l'avoue, j'ai bien été surprise de te voir scintiller de mille feux dans le noir. Flash, flash, 150 euros cash. Un écart qui me frappe, un chauffard qu'on attrape. Flash, flash, 150 euros cash. T'es plus fort que mes phares, quand je te vois c'est trop tard. Je t'avais oublié sur le bord de ma route, comme une vieille connaissance que tu étais sans doute. Mais tu t'es rappelé à ma mauvaise mémoire, décryptant mon allure avant que j'aie pu te voir. Un scénario écrit plusieurs mois à l'avance, pour ne pas me laisser une quelconque part de chance. Flash, flash, 150 euros cash. J'aurais dû ralentir, rien ne sert de s'enfuir. Flash, flash, 150 euros cash. T'es plus fort que mes phares, quand je te vois c'est trop tard. Moi qui me croyais désert, tu m'as photographié, découpé en pixels sur une feuille de papier. Je suis de celle qu'on fait, prise en flagrant délit. Faut bien faire des affaires dans les chaîne. Arrête de m'écrire, s'il te plaît oublie-moi et va lire à tes sbires. Que oui c'était bien moi, je n'ai rien à redire. Maintenant j'en suis sûre, je saurai me souvenir de ta bouille un peu grise et de ton regard fixe. N'espère plus me surprendre aux toiles radar fixe.